إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Nous en sommes arrivés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission seule au 10e hadith des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi rahimahullah. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Le dixième hadith que le Hafiz al-Nawawi rahimahullah a cité dans ce recueil des 40 hadiths, selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah, le Très-Haut, est bon et pur, et il n'accepte que ce qui est bon et pur. Sachez qu'Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux envoyés. Il a dit s'agissant des envoyés, ô vous les envoyés, mangez des choses bonnes, œuvrez salutairement, je sais parfaitement ce que vous faites. Et il a dit s'agissant des croyants, ô vous qui croyez, mangez des choses bonnes que nous vous attribuons, puis il parla de l'homme qui fait un long voyage à la tignasse mal peignée, poussiéreux, levant les mains au ciel, criant « Seigneur, Seigneur !» alors que sa nourriture est de source illicite, sa boisson est de source illicite, ses habits sont de source illicite. Il a été rassasié de ce qui est illicite. Il est loin pour que son invocation soit exaucée. Ce hadith, qui est rapporté par l'imam Muslim dans son recueil, parle du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala est bon et pur. C'est-à-dire, il est sanctifié. Subhanahu wa ta'ala. Et il est préservé de tout manquement et toute faiblesse et toute chose qui ne lui sied pas. Et quand il dit « Et Allah n'accepte que ce qui est bon et pur », c'est-à-dire parmi les actes. Il n'accepte des actes de l'être humain, parmi ses croyances, parmi ses paroles, parmi ses œuvres qu'il fait avec ses membres, que ce qui est bon et pur. C'est-à-dire, Allah n'accepte pas l'impur. Et le bon, al-tayyib, c'est celui qui réunit deux conditions. Parmi les actes de l'être humain, al-tayyib, ce qui est bon et pur, c'est ce qui réunit deux conditions. La première, c'est ce qui est fait sincèrement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans lui donner d'associé. La deuxième condition, c'est que cet acte soit une œuvre pieuse, c'est-à-dire qu'elle soit conforme au suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans ce hadith que Allah tabaraka wa ta'ala a donné aux croyants le même ordre qu'il a donné aux prophètes et aux messagers, pour montrer que c'est un ordre énorme, d'une grande valeur, un ordre significatif. Car les messagers, ce sont les meilleurs parmi les croyants, ce sont les imams, les guides des croyants. Donc si Allah a donné aux croyants le même ordre qu'il a donné aux guides des croyants, aux meilleurs des croyants, qui sont les messagers, cela montre la valeur et le caractère grandiose de cet ordre. Quel est cet ordre ? Il leur a ordonné deux choses. De manger ce qui est pur et bon. Et de faire des bonnes actions. De manger ce qui est pur et bon et d'accomplir des bonnes actions. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité une personne qui fait un long voyage, qui a la tignasse mal peignée, poussiéreux, levant les mains au ciel, disant « Mon Seigneur, mon Seigneur !» Donc il a cité ici quatre causes parmi les causes d'acceptation des invocations. La première cause, le voyage. Et ici encore plus, tout le safar, un long voyage. C'est-à-dire, déjà le voyage en lui-même, c'est une cause d'acceptation. Mais si c'est un long voyage, c'est encore plus à même d'être une cause d'acceptation. Un long voyage. La tignasse mal peignée, couvert de poussière, levant les mains au ciel. C'est une cause d'acceptation des du'as, de lever les mains au ciel. Et invoquant Allah subhanahu wa ta'ala par « Mon Seigneur, mon Seigneur ». Donc il a appelé Allah tabaraka wa ta'ala par un de ses noms, subhanahu wa ta'ala. Et il a insisté dans la du'a. Le fait d'insister dans la du'a, c'est une cause d'acceptation aussi. Donc il a cité ici, sallallahu alayhi wa sallam, quatre causes d'acceptation des invocations. Et en contrepartie, après, il a cité quatre causes qui sont des empêchements, des barrières entre l'invocation de la personne et l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit ici la bonne manière de présenter du prophète sallallahu alayhi wa sallam les choses. Il a présenté les causes, quatre causes d'acceptation, et en opposition à cela, quatre causes d'empêchement des acceptations. Donc les quatre causes d'acceptation, nous les avons citées, et les quatre causes qui empêchent l'acceptation, ce sont celles qui sont citées dans le hadith. Sa nourriture est illicite ou de source illicite? Sa boisson est illicite ou de source illicite? Ses habits sont illicites ou de source illicite? Et il a été rassasié par l'illicite. Rassasié, وَقَدْ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ. غُذِّيَ en arabe, c'est tout ce avec quoi on renforce le corps. Donc cela peut être la nourriture, cela peut être la boisson, cela peut être tout ce qui renforce le corps, cela peut être les médicaments. Cela peut être le sommeil, Donc s'il prend un médicament haram, il rentre dans ce hadith. Rudhiya bil haram, il a été rassasié du haram. Si il dort pendant l'heure de la prière de l'Fajr, rudhiya bil haram, il a été rassasié du haram, c'est-à-dire que pendant l'heure où il était obligatoire de ne pas dormir, il a dormi, donc son sommeil est haram. Donc, on tire de ce hadith que de manger l'illicite, des produits illicites en soi, ou bien que ce soit des produits licites, mais qu'on s'est approprié d'une manière illicite, avec un travail illicite, avec de l'argent illicite, ou d'une manière illicite, en volant, en trichant, en spoliant, par exemple. C'est une cause que l'invocation soit refusée, rejetée. C'est un empêchement de l'acceptation de l'invocation du croyant. De même, la boisson. Que la boisson en elle-même soit une boisson illicite, ou bien que ce soit une boisson illicite qu'il s'est appropriée d'une manière illicite. Alors si c'est une boisson illicite qui s'est appropriée d'une manière illicite, c'est encore pire. De même les habits, s'il porte des habits illicites en soi, un habit qu'un musulman n'a pas le droit de porter, ou une musulmane n'a pas le droit de porter. Ou bien que ce soit un habit qui est autorisé à porter, mais qui a été acquis d'une manière illicite. Par exemple, pour un homme, il lui est interdit de porter de la soie. C'est un habit illicite pour l'homme, n'est-ce pas ? Etc. Et on a parlé déjà du dernier terme qui est waqad rudhiya bil haram. Il a été rassasié du haram. Rassasié, c'est tout ce qui renforce le corps. Tout ce qui peut renforcer et rassasier le corps. Que ce soit en nourriture, en médicaments, en boisson, en sommeil, tout ce qui peut renforcer le corps. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini en disant, cette personne est loin de voir sa dua être exaucée. Ceci n'est pas une affirmation du prophète sallallahu alayhi wa sallam que sa dua sera refusée. Ça ne veut pas dire que sa dua soit, son invocation est obligatoirement refusée. C'est qu'elle est loin d'être exaucée. Allah tabarak wa ta'ala, parfois, il accepte l'invocation même de certains mécréants. Pourtant, l'invocation du mécréant est loin d'être exaucée. N'est-ce pas ? Quand le mécréant est opprimé, quand il est acculé, et il s'en remet à Allah sincèrement. Allah peut, par sa sagesse, accepter son invocation. De même, un musulman qui fait ses causes illicites, ses causes qui sont des empêchements que son invocation soit acceptée, peut se voir parfois son invocation acceptée. Mais on est loin de penser qu'elle sera acceptée, parce qu'il n'a pas réuni les causes. Ou il a réuni les causes d'acceptation, mais en même temps, il a réuni avec ses causes d'acceptation des causes d'empêchement. Donc l'empêchement, même si la personne a réuni les causes d'acceptation, les causes d'empêchement viennent barrer, être une barrière entre lui et l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette invocation. Al-hadithu al-hadi asara. عن أبي محمد الحسن بن علي ابن علي بن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن حديث حسن صحيح. Le 11e hadith, le hadith de Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhuma. Il a dit, j'ai mémorisé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam cette parole. Renonce à ceux qui te gênent pour ceux qui ne te procurent aucune gêne. Renonce à ceux qui te gênent pour ceux qui ne te procurent aucune gêne. Ce hadith rapporté par Tirmidhi et Nasa'i. Et le texte cité ici, c'est celui de Tirmidhi. Ce hadith, il parle du fait des situations qui peuvent être présentées au cœur. Des situations qui peuvent être présentées au cœur. Elles sont de deux catégories. Celles qui te causent une gêne et celles qui ne te causent pas de gêne. Celles qui te causent une gêne, les savants ont expliqué un raïb ici par la gêne, qui peut être aussi le doute. Ce qui est douteux. Donc on pourrait traduire par laisse ce qui est douteux pour ce qui n'est pas douteux. Mais ce n'est pas exact. Car il y a des choses qui te causent une gêne qui ne sont pas douteuses. Donc le terme le plus juste c'est de dire délaisse ce qui te cause une gêne pour ce qui ne te cause pas de gêne. Et ce hadith vient montrer, vient appuyer le même sens que le hadith que nous avons vu de An-Nu'man ibn Bashir. Le fait de délaisser les choses équivoques. Donc il vient appuyer ce sens. Il vient appuyer le sens qu'il est obligatoire de délaisser quoi? De délaisser les choses équivoques. Pour ce qui n'est pas équivoque. Ce hadith est un fondement concernant le fait de revenir à ce que ton cœur ressent. Mais, il y a un mais très important. Car effectivement, il y a des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont déjà appuyé ce sens-là. C'est la fatwa des sahaba qui disait « Istafti qalbak », demande la fatwa à ton cœur, reviens à ton cœur. Mais le retour à ce que ton cœur ressent, ce n'est pas valable pour tout le monde. C'est valable pour la personne dotée de science religieuse. La personne qui ne suit pas ses passions, qui pratique la religion correctement. Donc son cœur est sain et est clairvoyant. Donc quand une chose vient mettre son cœur dans la gêne et vient le mettre en doute, c'est que cette chose est sûrement mauvaise. Elle est à délaisser. À la différence d'une personne qui n'a pas de science, qui n'est pas dans la piété et dans la constance. Celui-là, même les choses haram, elles ne lui mettent pas de doute. Ça ne le gêne pas. Il fait le haram, ça ne le gêne même plus son cœur. Donc on va lui dire, délaisse ce qui te gêne et fais ce qui te gêne pas. Il dit, ça me gêne pas. Alors il va faire toutes les choses illicites. Il dit, ça me gêne pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, délaisse ce qui te gêne. Moi, ça ne me gêne pas. Donc ce hadith n'est pas à comprendre dans ce sens-là, comme on le voit chez beaucoup de gens du commun ignorants, qui ignorent la religion et disent « Moi, je ne vois pas de mal. Je ne sens pas que mon cœur est touché quand je fais telle chose. Je ne sens pas une diminution de ma foi quand je fais tel péché. » Mais tu es aveugle. L'aveugle, il ne voit pas quand il y a beaucoup de lumière ou peu de lumière. L'aveugle, il ne voit pas quand il y a un feu devant lui ou un ravin. Ou est-ce qu'il est dans des prés verdoyants? À la différence du clairvoyant. Donc ce hadith est à comprendre dans ce sens-là. La personne qui a, alhamdoulilah, la certitude ancrée dans son cœur, la connaissance de l'islam, la constance dans la pratique de l'islam, cette personne, oui, ses impressions du cœur, elles sont à prendre en compte. Quand il te dit, cette chose, je ne suis pas tranquillisé pour cette chose, elle me gêne. C'est normal, elle a un cœur vivant, il a un cœur sain, en forme, clairvoyant. Donc, alhamdoulilah, une chose qui n'est pas aimée chez Allah, elle le gêne. Elle lui pose un problème. À la différence de celui qui est noyé dans les passions et dans les péchés et dans l'ignorance. Même le polythéisme majeur, il ne lui cause pas de problème. Il ne lui cause pas de gêne. Donc, est-ce qu'on va dire, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk? Laisse ce qui est gênant pour ce qui n'est pas gênant. Il dit, moi, c'est pas gênant pour moi. Istafti qalbak, demande à ton cœur. Moi, mon cœur, il m'a dit que c'était halal. Non. Ça, c'est dans les choses qu'il n'y a pas de texte dessus. Bien sûr. Quand il y a un texte, les choses sont halal, haram, recommandées, détestables, licites, illicites, c'est fini. Ton cœur, il n'a pas entré en cela. Là, on parle des choses sur lesquelles il n'y a pas de texte. une situation qui te paraît gênante, douteuse. C'est de ça, de cela qu'on parle ce hadith. Le hadith الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. Le douzième hadith, le hadith de Abu Huraira رضي الله عنه, où il a dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: il fait partie comme signe de soumission à l'islam ou de bonne appartenance à l'islam de l'homme de délaisser ceux qui ne le concernent pas. De délaisser ceux qui ne le concernent pas. Ce hadith, il a été rapporté par Tirmidhi dans son Jami' et Ibn Majah dans Sunan selon la version de Abi Huraira. Et Tirmidhi l'a rapporté de Ali ibn al-Hussein de manière mursala. Il manque le compagnon qui a été cité dedans. Donc ce hadith, concernant la chaîne de transmission, il est faible. Il n'est pas authentique. Mais, concernant sa compréhension, concernant son sens, alors les fondements de la législation l'appuient. Donc son sens est bon. Dans le sens où il y a d'autres versets, des versets du Coran et d'autres hadiths qui viennent appuyer ce sens-là. Appuyer ce sens-là. Quand il dit ici, il fait partie de bonne appartenance, de signe de bonne appartenance à l'islam, quand il parle de l'islam ici, il parle de l'islam de manière absolue. Car l'islam, quand on parle de l'islam ici, c'est toute législation islamique, c'est-à-dire les croyances, les actes cachés et les actes apparents. Et l'islam, il y a le minimum d'islam, c'est-à-dire celle par laquelle on reconnaît l'islam de quelqu'un, et il y a husnul islam, le bon islam, ou l'excellence dans l'islam, ou la perfection dans l'islam. Et ça, ceci revient au sens du hadith de Jibril qu'on a vu au début. L'excellence. L'ihsan. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Min husni islam il mar'i ». Il fait partie comme signe de bonne appartenance à l'islam, c'est-à-dire d'avoir l'ihsan dans l'islam, d'exceller dans l'islam. Un signe d'être un, d'avoir un bon islam, un islam qui tend vers la perfection, un islam qui tend vers l'excellence, c'est que la personne ne s'occupe pas de ceux qui ne le regardent pas. Ceux qui ne regardent pas une personne, c'est quoi? Quand on dit, il fait partie comme signe de bonne appartenance à l'islam, ou d'avoir un bon islam, ou de tendre vers la perfection de l'islam, de ne pas s'occuper de ceux qui ne nous regardent pas. La personne dira, c'est quoi ceux qui ne nous regardent pas? Ceux qui ne nous regardent pas, c'est quatre choses. Premièrement, les choses illicites. Quand on dit ceux qui ne te regardent pas, c'est-à-dire ce en quoi tu n'as pas de besoin, ce que tu ne cherches pas, ce qui n'est pas ton objectif, c'est dans ce sens-là. Ce qui ne t'est pas utile. Donc la première des choses, c'est les interdits, les choses illicites. Que ce soit dans les croyances, les paroles, les actes, les états apparents ou cachés. La deuxième catégorie des choses qui ne te regardent pas, qui ne te sont pas utiles, les choses détestables, qui est un degré moindre que illicite. Quelle est la différence entre une chose illicite et une chose détestable? Ce qui est illicite, il est demandé de le délaisser d'une manière formelle, sans choix. Et celui qui ne le délaisse pas d'une manière formelle, il est mis en garde d'être puni. Il est mis en garde d'être puni, de subir la punition. À la différence de ce qui est détestable, Allah a demandé de le délaisser, mais pas de manière formelle. Celui qui le délaisse, il sera récompensé. Mais celui qui le fait, il n'est pas mis en garde d'être puni. Il perd des récompenses. Il perd des récompenses. Donc, ici, ceux qui ne t'étaient pas utiles, ceux qui ne te regardent pas sont l'illicite, les choses détestables. La troisième catégorie, les choses équivoques pour celui qui n'en a pas que la connaissance. Vous vous souvenez, on avait parlé de ça. Les choses équivoques pour celui qui n'en a pas la connaissance. Ça fait partie des choses qu'il ne regarde pas, ou qui ne lui sont pas utiles. Et la quatrième catégorie, ce sont le surplus des choses licites, dont la personne n'a pas besoin. Le surplus, le dépassement dans les choses licites, dont la personne n'a pas besoin. Voilà les quatre choses qui ne sont pas des choses utiles, et qui sont des choses qui ne te regardent pas, qui ne sont pas tes objectifs. Les choses illicites, les choses détestables, les choses équivoques, et le surplus des choses licites dont tu n'as pas besoin. Donc, délaisser ces quatre choses-là est un signe d'être un bon musulman et qu'on tend vers la perfection dans notre pratique de l'islam. Voilà ce que cette parole veut dire. C'est un encouragement à délaisser ces quatre choses. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Le 13e hadith, c'est le hadith d'Abu Hamza Anas ibn Malik, le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anhu. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun de vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en arabe la yu'minu ahadukum, aucun d'entre vous ne sera croyant. Ici, il parle de la complétude de la foi, et non pas du minimum de la foi. Dans le sens où, si quelqu'un il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, il serait mécréant. Non. Ici, il renie qu'une personne puisse avoir la foi complète s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ceci montre, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise ce type de formule, nul d'entre vous n'est croyant. Ceci montre l'obligation de l'acte qui est désigné après. C'est-à-dire qu'il est obligatoire à un musulman d'aimer son frère musulman. Et quand il dit « tant qu'il n'aime pas pour son frère », ici il parle de la fraternité dans la foi, c'est-à-dire son frère musulman, le musulman. Et il ne parle pas d'autre que lui. D'ailleurs, cela n'existe pas, la fraternité en la religion ibrahimique ou je ne sais quoi. Ce sont des concepts maçonniques qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et quand il dit « tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même », dans la version de l'imam al-Nasa'i, rahimahullah, il y a un surplus. « Tant qu'il n'aime pas pour son frère le bien qu'il aime pour lui-même ». C'est-à-dire quand il est dit « tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même comme bien ». Donc dans cette version, il est explicitement dit « comme bien ». C'est-à-dire que tu aimes le bien pour ton frère comme tu aimes le bien pour toi-même. Donc aimer le bien pour son frère musulman, cela veut dire quoi? C'est quoi le bien? Maintenant on va dire « aimer le bien ». Pour certains, le bien, pour lui, c'est certaines choses que nous, on réprouverait. Mais ici, le bien, quel est le sens du bien? Ce sont deux catégories. Le bien absolu et le bien relatif. Le bien absolu, c'est tout ce que Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné. Ça, c'est du bien dans l'absolu. Le bien relatif, c'est les choses de ce baron. L'argent, les enfants, la maison, la voiture, c'est relatif. Pour certains, c'est du bien, pour certains, c'est du mal. Dans certains cas, c'est du bien, dans certains cas, c'est du mal. une épouse, des enfants, de l'argent, une maison, quoi que ce soit, parmi les choses licites de ce bas monde. C'est un bien relatif, non pas absolu. Car effectivement, dans certains cas, ça peut être la cause de la perte de certaines personnes. Certaines personnes, ils s'égarent à cause de l'amour excessif qu'ils portent pour leur épouse, pour leurs enfants, pour leurs biens, pour l'argent. N'est-ce pas? Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Nul d'entre vous n'est réellement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère comme bien ce qu'il aime pour lui-même. » C'est-à-dire que tu dois aimer pour tes frères en islam et tes sœurs qu'elles obéissent à Allah. Parce que ça, c'est un bien absolu. Donc, tu ne dois pas espérer pour eux qu'ils soient désobéissants. Tu dois espérer pour eux et aimer pour eux qu'ils soient obéissants. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu dois aimer et espérer pour eux aussi les choses utiles parmi les choses de ce bas monde, si tu penses que c'est un bien pour eux. Par exemple, si tu penses qu'une personne, quand il sera riche, il va être pervers, tu ne dois pas espérer pour lui la richesse. Tu ne dois pas aimer pour lui la richesse. Par contre, si tu penses que la richesse lui fera du bien, ou une certaine richesse lui fera du bien, alors tu peux espérer pour lui ce bien. Donc il t'est permis de ne pas espérer pour lui certains biens matériels, à condition que ce ne soit pas par jalousie ou par esprit concurrentiel, c'est seulement parce que tu penses que ce sera mauvais pour lui. C'est le seul cas où tu peux espérer que cette chose, il ne l'est pas. Sinon, tu dois espérer pour lui, aimer pour lui, qu'il ait cette chose comme tu aimes l'avoir pour toi. Donc on a dit, le bien, il est combien? De deux catégories. La première catégorie, tous les ordres religieux, ça tu dois l'espérer pour tes frères. Et la deuxième catégorie, ce sont le bien relatif, qui n'est pas absolu, tu dois l'espérer à condition que tu penses que c'est un bien pour lui. Et l'aimer pour ton frère, tu dois être content. Quand ton frère en islam, Allah lui donne des biens, tu ne dois pas être jaloux. Tu dois être content pour lui. Tu dois être heureux, comme si c'est toi qui l'avais eu. Tu dois aimer cela. Et nul ne sera vraiment croyant tant qu'il ne sera pas comme cela. C'est-à-dire, tant que tu as une partie de jalousie dans ton cœur, tu n'es pas un bon croyant. Tu es malade. Ton cœur est malade, il doit être soigné. Qu'Allah nous octroie des cœurs purs et sains, qui aiment pour les musulmans ce qu'ils aiment pour eux-mêmes, et qui aiment pour les gens, en général, la guider, même les koufars. La guider et qu'ils soient sauvés de l'enfer. Si Allah le veut. Mais qui aime cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, ils espéraient la guider pour les gens, même pour les ennemis de l'islam. Al-hadith al-rabi'u al-ashar. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني النفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Le 14e hadith, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه. Il a dit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le sang du musulman est interdit sauf en trois cas. Le marié qui commet l'adultère, l'auteur d'un homicide volontaire et l'apostat qui délaisse sa communauté. Ce hadith, il montre que le sang du musulman, il est sacré sauf dans ces trois conditions-là, sauf dans ces trois cas. Il y a d'autres hadiths qui citent plus de cas que cela, mais qui sont faibles. Et Ibn Rajab, dans Fath al-Bari, il montre que tous les cas où son sang devient licite, ils reviennent à ces trois fondements. Ils reviennent à ces trois fondements qui sont cités dans ce hadith. Le premier, c'est celui qui transgresse la chasteté en commettant l'adultère. Alors que lui-même est une personne qui s'est déjà mariée et qui a déjà connu l'acte. À la différence d'une personne qui n'a jamais été mariée, qui n'a jamais consommé le mariage, sa peine n'est pas la lapidation à mort. Sa peine est le fouet. Donc ça c'est le premier cas. c'est-à-dire le marié ou celui qui a déjà été marié qui commet l'adultère. C'est-à-dire qu'il soit, le jour où il commet l'adultère, qu'il soit marié ou non, à partir du moment où il a déjà été marié auparavant, il rentre dans ce hadith. S'il a été marié et s'il a déjà consommé le mariage. Cette personne-là, sa peine est la lapidation, à mort, à la différence de celui qui n'a jamais été marié. Puis les savants ont divergé sur la personne qui a déjà connu l'acte dans le haram. Est-ce qu'il rentre dedans ou non? La deuxième catégorie, c'est celui qui fait couler le sang illicite. Celui qui fait couler le sang illicite, qui tue une âme innocente. Celui-là, en islam, il subit la peine de mort, qisasan, avec la loi du talion. Et il y a des règles détaillées dans les livres de fiqh concernant cela, c'est-à-dire dans quel cas il subit la peine de mort et dans quel cas il ne subit pas la peine de mort. Selon la personne qui est tuée, selon est-ce qu'il a tué de manière préméditée ou non, etc., etc. La troisième catégorie, c'est l'apostat. C'est la personne qui délaisse l'islam avec une parole ou un acte ou une croyance après avoir été musulman. Cette personne, sa peine en islam est la peine de mort. Comme cité dans ce hadith. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم